Chapitre 7. Trois fous prenaient le thé. Une table était dressée sous un arbre devant la maison. Le lièvre de Mars prenait le thé en compagnie justement du chapelier. Tous deux s'accoudaient sur le dos d'un loir qui entre eux semblait dormir profondément, offrant son corps comme un moelleux coussin. « Cette situation ne doit pas être des plus confortables pour le pauvre loir, » se dit Alice. « Seulement, puisqu'il dort, il est probable qu'il en souffre moins. » La table était grande et comptait une vingtaine de couverts, mais les trois convives s'étaient serrés les uns contre les autres à l'une de ses extrémités, et quand ils virent Alice, ils se mirent à crier. « Il n'y a pas de place ! Il n'y a pas de place !»« Il y en a au contraire quelques-unes de trop !» fit observer Alice. Et elle s'assit carrément dans un vaste fauteuil à côté du lièvre de Mars. Celui-ci lui dit d'un ton engageant « Prenez donc du vin, mademoiselle !» Alice fit des yeux le tour de la table et remarqua qu'il n'y avait là que du thé. « Je ne vois pas de vin, » hasarda-t-elle. « Précisément, » dit le lièvre de Mars, « il n'y en a pas. »« Alors, ce n'est pas très poli à vous d'en offrir. »« Ce n'est pas très poli à vous de vous asseoir ici sans y être invité. »« Je ne savais pas que cette table vous était réservée. Elle est dressée pour beaucoup plus de 3 personnes. » Le chapelier, qui n'avait encore rien dit et qui dévisageait Alice avec la plus vive curiosité, trancha cette question délicate par un hardi coq à l'âne. « Vos cheveux, mademoiselle, ont besoin d'être coupés, » dit-il. « Vous apprendrez, monsieur, » répondit Alice, fort vexée, « qu'il est très grossier de faire des allusions personnelles et aussi directes. » Le chapelier ouvrit de grands yeux ronds à ces mots et répliqua d'une façon plutôt inattendue. « Quelle différence y a-t-il entre un corbeau et un pupitre ?»« Allons, on va s'amuser, » pensa Alice. « Je suis enchantée de voir qu'ils se mettent à proposer des devinettes. » Et elle ajouta tout haut. « Je crois que je pourrais deviner celle-ci. » « Voulez-vous signifier par là ?» « Que vous pensez pouvoir répondre à cette question ?» demanda le lièvre. « En effet, » déclara Alice. « Alors, dites ce que vous voulez dire, » fit le lièvre. « Voici, » commença Alice, et, se reprenant, « ou du moins, je veux dire ce que je dis, ce qui revient au même. »« Cela ne revient pas du tout au même, » protesta le chapelier. « Dites donc aussi, pendant que vous y êtes, que « je vois ce que je mange », c'est la même chose que « je mange ce que je vois ».« Et dites encore, » ajouta le lièvre, « que « j'aime ce que j'ai », c'est la même chose que « j'ai ce que j'aime ». »« Et que « je respire quand je dors », c'est la même chose que « je dors quand je respire ». Dit le loir qui parlait tout en ayant l'air d'être plongé dans le plus profond sommeil. « Oh, ça, c'est la même chose pour vous, du moins !» déclara le chapelier en s'adressant au loir. Et là-dessus, il se fit un silence pendant lequel Alice rassembla ses souvenirs sur les corbeaux et les pupitres. « Quel jour du mois sommes-nous ? » demanda tout à coup à Alice le chapelier. Se disant, il avait tiré sa montre de sa poche et il la regardait avec inquiétude, la secouant et puis l'approchant de son oreille. Alice réfléchit un instant, puis elle répondit « Le 4 ».« Ah, ma montre est en retard de 2 jours, alors !» soupira le chapelier. « Je vous avais bien dit, lièvre de Mars, qu'il ne fallait pas la graisser avec du beurre. Cela abîme le mouvement. » « C'était pourtant du beurre de première qualité, » dit le lièvre tout penaud. « Peut-être, » grommela le chapelier, « mais vous y aurez laissé tomber des miettes de pain. D'ailleurs, vous vous êtes servi du couteau à pain pour mettre le beurre dans les rouages, je l'ai bien vu. » Le lièvre de Mars prit la montre et l'examina avec tristesse. Puis il la plongea dans sa tasse de thé et la considéra de nouveau. Mais il ne trouva rien de mieux à dire que ce qu'il avait déclaré un instant auparavant. Oui, c'était du beurre de première qualité. « Quelle drôle de montre !» dit Alice très intéressée. « Elle marque les jours et n'indique pas l'heure. »« Pourquoi indiquerait-elle l'heure ?» grogna le chapelier avec humeur. « Est-ce que la vôtre indique les années ?»« Non, » répliqua Alice. « En effet, mais il y a à cela une raison. C'est la même année pendant si longtemps. »« Eh bien, » dit le chapelier, « pour ma montre, c'est la même heure pendant longtemps aussi. » Alice se demanda quel pouvait bien être le mystère qui se cachait dans cette phrase. Apparemment, elle n'avait guère de sens, et pourtant... « Allons, le Loir s'est encore endormi, » dit le chapelier, et il versa quelques gouttes de thé chaud sur le nez de son voisin. Le Loir secoua la tête et dit, sans ouvrir les yeux, « Évidemment, évidemment. » « C'est ce que j'étais précisément en train de dire. »« Avez-vous deviné l'énigme ?» demanda le chapelier en s'adressant à Alice. « Non, je donne ma langue au chat, » répondit Alice. « Quelle est donc la différence ?»« Je n'en ai pas la moindre idée, » avoua tranquillement le chapelier. « Moi non plus, » dit le lièvre de Mars. Alice trouva la plaisanterie tout à fait stupide. « Il me semble, » dit-elle avec mépris, « que vous pourriez plus intelligemment employer votre temps. Proposer des devinettes qui ne comportent pas de réponse, cela n'a rien de bien spirituel. »« Si vous connaissiez Monsieur Temps comme je le connais, » observa le chapelier, « vous ne parleriez pas de lui de cette façon. Monsieur Temps est un être. »« Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » répondit Alice. « Naturellement, vous ne comprenez pas, » dit le chapelier en hochant la tête et en faisant une moue de dédain. « Je parie que vous n'avez jamais parlé à temps. »« Peut-être bien que non, » répondit Alice avec prudence. « Mais je sais, en tout cas, qu'il faut le battre quand on apprend la musique. »« Ah !» s'écria le chapelier. « Je m'explique que vous ne soyez pas de ses amis. Temps n'aime pas à être battu, au contraire. » Si vous le prenez par les sentiments, il fera des heures tout ce que vous voudrez. Supposons, par exemple, qu'il est 9 heures du matin, juste le moment de se mettre au travail. Eh bien, si vous préférez qu'il soit l'heure de se mettre à table, vous n'avez qu'à faire un petit signe d'amitié à Monsieur Ton. Et aussitôt, celui-ci ayant commandé aux aiguilles de votre montre d'avancer, il est midi, l'heure du déjeuner. Si seulement cela pouvait être vrai! Soupira le lièvre de Mars. Ce serait merveilleux, assurément, dit Alice. Mais c'est égal, je n'aurai pas faim comme ça tout à coup. Sans doute pas tout de suite, acquiesça le chapelier. Mais vous pourriez laisser les aiguilles sur midi aussi longtemps qu'il vous plairait. Est-ce là votre régime? Demanda Alice. Le chapelier hocha tristement la tête. Ah! fit-il. « J'ai là-dessus une histoire bien navrante. Écoutez plutôt. » C'était à un grand concert donné par la reine de cœur. J'avais à chanter. « Brillez, brillez, petite chauve-souris, combien je vous admire. » « Vous connaissez sans doute cette chanson. » « En effet, j'ai entendu quelque chose de ce genre, » dit Alice. « Voici d'ailleurs la suite, » dit le chapelier. À travers le monde, vous volez, tel un plateau à thé lancé dans l'espace. Brillez, brillez !» Ici, le Loir, sans pour cela sortir de sa torpeur, se mit à reprendre d'une voix assourdissante. « Brillez, brillez, brillez !» Et il ne s'arrêta que lorsqu'on l'eut sérieusement pincé pour le faire taire. « Eh bien !» reprit le chapelier, continuant son histoire. « J'avais à peine fini le premier couplet en battant la mesure de ma main droite que la reine bondit et se mit à crier à tue-tête en me désignant. « Il assomme le temps, il assomme le temps qu'on lui coupe la tête !»« Quel sauvage !» s'écria Alice. « Et jamais depuis cette époque, conclut le chapelier, le temps n'a consenti à faire ce que je lui ai demandé. Il est brouillé avec moi depuis qu'en chantant devant la reine, j'ai battu le temps de ma main droite. Comprenez-vous ? Pour ma punition, il est toujours 5 heures à présent dans ma vie. » Une idée lumineuse traversa l'esprit d'Alice. « Ah, c'est sans doute ce qui fait que vous prenez le thé. »« Oui, c'est cela, » dit le chapelier en soupirant. « Ici, c'est toujours l'heure du thé. Cette table est éternellement dressée, comme vous la voyez là. Nous n'avons même pas le loisir de laver la vaisselle. » Alors, dit Alice, vous passez vos jours à tourner autour de cette table, à aller d'un couvert à l'autre? Oui, dit le chapelier, et tout le service en est usé. Si nous parlions d'autre chose, proposa alors le lièvre de Mars entre deux bâillements. Je commence à en avoir assez de ce sujet de conversation. Mademoiselle ne pourrait-elle pas, par exemple, nous conter une petite histoire ? Certes, je voudrais bien, dit Alice, mais le malheur, c'est que je n'en connais pas la moitié d'une. Allons ! Hurlèrent ensemble le chapelier et le lièvre. C'est au Loire à parler. Réveille-toi, Loire, et raconte-nous quelque chose. Ils le pincèrent au plus gras de son individu, et le Loire ouvrit les yeux avec lenteur. « Mais je ne dormais pas, » déclara-t-il d'une voix vague et bizarre, « et j'ai parfaitement entendu tout ce que vous avez dit, mes camarades. »« Raconte-nous une histoire, » insista le lièvre de Mars. « Oui, je vous en prie, » dit Alice. « Et dépêche-toi de peur que tu ne retombes endormi avant d'avoir commencé, » railla le chapelier. Le Loire s'exécuta sans beaucoup d'entrain. Il y avait une fois 3 petites sœurs qui s'appelaient Elsie, Lucie et Tilly et qui vivaient au fond d'un puits. Et de quoi vivaient-elles ? Interrompit Alice qui aimait la précision sur certaines questions essentielles comme le boire et le manger. Le Loire parut réfléchir une seconde et répondit « Elle vivait de mélasse. » « Mais ce n'est pas possible, » objecta avec beaucoup de politesse d'ailleurs la raisonneuse Alice. « Elle serait tombée malade. » « Elles étaient justement très malades, » dit le Loire. Alice ne put admettre la possibilité d'une telle aventure. « Mais enfin, » dit-elle encore, « pourquoi donc vivait-elle au fond d'un puits ?» Le lièvre de Mars coupa la réponse du Loire en disant à Alice, très gracieusement, « Je vous en prie, prenez un peu plus de thé. »« Je n'en ai pas encore pris, » répliqua Alice d'un ton offensé. « Je ne saurais donc en prendre un peu plus. »« Vous voulez dire ?» avança le chapelier, « que vous ne sauriez en prendre un peu moins, car il est toujours très facile de prendre plus que rien. »« Personne ne vous a demandé votre avis à vous, » répliqua Alice. « Ah ah !» s'écria le chapelier. « Qui est-ce qui fait des allusions personnelles et directes à présent ?» Alice fut assez embarrassée de cette remarque. Elle s'en tira en se servant du thé et en prenant une tartine de pain beurré. Le Loire allait reprendre son histoire lorsque notre ami, qui en tenait décidément à son idée, l'interrompit de nouveau en insistant pour savoir les raisons qui avaient amené les 3 fillettes à vivre de mélasse dans un puits. Mais cette fois, les 2 autres compagnons s'interposèrent et le Loire lui-même déclara « Si vous devez continuer à m'interrompre de la sorte, Il vaut mieux que vous finissiez vous-même l'histoire. » Alice promit de ne plus rien dire, et le Loir continua. « Donc, ces trois petites sœurs apprenaient à puiser. »« À puiser quoi ?» demanda Alice, qui oubliait déjà sa promesse. Mais le Loir répondit avec patience, « De la mélasse, parbleu !»« Je veux une tasse propre !» s'écria tout à coup le chapelier. « Changeons de place !» Il fit comme il disait et descendit d'une place le long de la table. Le Loir le suivit et prit ainsi la place du chapelier. Quant au lièvre de Mars qui suivit le Loir, il prit la place de celui-ci et Alice fut obligée d'occuper la place fort sale du lièvre de Mars. Très désireuse de connaître la suite de l'histoire, Alice, dès qu'on se fut réinstallée autour de la table, demanda encore au Loir. « Où vos petites filles puisaient-elles donc de la mélasse? Je ne comprends pas très bien. »« On puise de l'eau à une citerne, » dit sentencieusement le chapelier. « De même, on puise de la mélasse à un puits de mélasse. Comprenez-vous à présent, espèce de sotte ?» Alice ne releva pas l'injure et dit au Loir « Elles étaient bien dans le puits, n'est-ce pas ?»« Elles y étaient même très bien, » affirma le Loir qui avait compris de travers. Cette réponse déconcerta Alice. Le Loir continua. « Elles apprenaient à puiser et elles puisaient ainsi toutes sortes de choses, notamment... toutes les choses dont le nom commence par un S. Pourquoi celle-là ? Demanda Alice. Pourquoi pas celle-là ? Dit le lièvre de Mars. Alice se tut. Le Loir faillit se rendormir, mais le chapelier l'ayant pincé très fort, il sursauta, poussa un cri et continua précipitamment. Oui, les choses dont le nom commence par un S, comme des souricières, des soleils, des souvenirs. Auriez-vous jamais imaginé une chose pareille ? Ma foi, répondit Alice, puisque vous me le demandez, je vous avoue que... Alors, interrompit le Loir, vous feriez mieux de vous taire. À la fin, c'était plus d'insolence qu'Alice n'en pouvait supporter. Elle se leva d'un air extrêmement offensé et s'éloigna de la table, puis de la maison. Personne ne fit attention à son départ. Le Loir était déjà retombé dans son sommeil habituel. Quant au chapelier et au lièvre de Mars, ils avaient l'esprit ailleurs, évidemment. Alice se retourna une fois. Rien. Nul ne bougeait, et quand elle se retourna une seconde fois, elle vit que le chapelier et le lièvre avaient attrapé le Loir et qu'ils essayaient de l'introduire dans la théière. « En tout cas, pensa la petite fille, c'est bien la dernière fois que je mets les pieds chez ces gens-là. Jamais de ma vie je n'ai assisté à un thé pareil. » Elle entra sous bois, et comme elle cherchait sa route, elle remarqua soudain que le tronc d'un gros arbre, juste en face d'elle, était muni d'une porte. Elle n'hésita pas à ouvrir cette porte et à pénétrer dans l'intérieur du gros arbre. Quelle ne fut pas sa surprise, alors, de se retrouver tout à coup au beau milieu de la fameuse galerie, à côté de la table de verre. Aussitôt, elle chercha la petite clé d'or et, l'ayant retrouvée, s'en saisit et courut ouvrir la porte minuscule donnant accès au merveilleux jardin. Cela fait, elle tira de ses poches les deux morceaux de champignons qu'elle avait gardés précieusement et mangea un peu de l'un, un peu de l'autre, juste de quoi fixer sa taille selon les dimensions du petit couloir. Enfin, haute à peine comme une poupée, elle s'engagea dans l'étroit passage et marcha jusqu'au moment où elle se trouva environnée de parterres fleuris que baignait doucement l'eau claire de plusieurs fontaines.